endeuillé mon thème. Trop d'armes généalogiques sans feuilles à présent sont ternes. Certaines morts me consternent, surtout quand ça me concerne. Comme voir un poteau disparaître volant d'une boîte à concert. Malgré tout on vous aime, dans nos têtes on vous conserve. De nos tueurs on sert, en venant pour faire un concert. Honneur à mon père, restez fort face au cancer. Catastrophé, j'écris ma strophe, elle est dédiée à Sophie. Faut piquer ses chats qui pensent ni aux gars ni aux filles. Considéré comme malade, appelé pédophile. C'est la nuit en rêve qu'on revoit votre image. Nous, on n'a qu'un mac, un cœur pour vous rendre hommage. Vous, nous manquez la peine, on peut pas la planquer. Oublier des gens heureux, c'est la porte qu'on m'a flanquée. Donc la vie en sous, à la croche, si c'est moche. Même si la faucheuse, la petite passe s'approche. Le son, j'en ai mort, j'en ai bien dans la plaie. Quand je pense à mes morts, mais même le cul devant la plaie. Une arme est dans mon couplet en mode représenteur. Une arme est prête à couper s'il y a des plaisanteurs. Le son, j'en ai mort, j'en ai bien dans la plaie. Quand je pense à mes morts, même le cul devant la plaie. Une arme est dans mon couplet en mode représenteur. Une arme est prête à couper s'il y a des plaisanteurs. Pour rendre hommage à tous nos morts, il nous faudrait bien plus d'une vie. La plume reliée au cœur, c'est la douleur qui nous unit. Paix à toi si tu portes le deuil. Si tu noires ta peine avec un flash et de feuilles, je te le dis, ma gueule, la vie c'est hard, un peu de fun. J'en pars, ça fout le sun. Dans nos crânes, y'a plus de sun. La grisaille nous ronge, c'est l'automne toute l'année. La mort, c'est la vie, on finira tous un jour par caner. Un crash ou le das, la faucheuse t'emporte. Peu importe ton âge, dédicace tous les gosses qui grandissent sans repère. Qui s'échouent dans la street comme une bouteille à la mer. Les plaies sont profondes, les regrets sont amers. Comme les larmes qui coulent sur les joues de nos mères. T'en passe, nous rattrape. Les souvenirs s'empilent, mémoire en béton pour futur d'argile, Le son, j'en ai mort, j'en ai bien dans la plaie. Quand je pense à mes morts, même le cul devant la plaie. Une arme est dans mon couplet en mode représenteur. Une arme est prête à couper s'il y a des plaisanteurs. Le son, j'en ai mort, j'en ai bien dans la plaie. Quand je pense à mes morts, même le cul devant la plaie. Une arme est dans mon couplet en mode représenteur. Une arme est prête à couper s'il y a des plaisanteurs. Des sons qui remémorent et qui remettent tout le monde d'accord. Ça ne ramènera pas nos morts, mais faut qu'on dédicace encore. J'aime ces mots qui me rendent triste mais plus fort. Soulage mes mots même quand j'y pense et qui me glace tout le corps. C'est la vie qui est hardcore, elle t'enlève ceux que t'as aimé. Et c'est toujours les meilleurs qui nous échappent les premiers. Dédicace à Eric, je pense aux enfants que t'as laissés. Abuelo évidemment, à jamais dans mes pensées. C'est signé le bandit car c'est le nom que tu m'as donné. No estoy lejos de vosotros, dans le marbre gravé. Garde un œil sur nous, on se reverra tôt ou tard. Mettez Wawa in for me si c'est en premier que je pars. Ne pleurez pas pour moi mais gardez-moi dans vos mémoires. À nos bars de rire et nos déboires. Nos meilleurs souvenirs, même les soirées à boire. Recevez ce 16 en guise de faire part. Le son, j'en ai mort, j'en ai bien dans la plaie. Quand je pense à mes morts, même le cul devant la plaie. Une arme est dans mon couplet en mode représenteur. Une arme est prête à couper s'il y a des plaisanteurs. Le son, j'en ai mort, j'en ai bien dans la plaie. Quand je pense à mes morts, même le cul devant la plaie. Une arme est dans mon couplet en mode représenteur. Une arme est prête à couper s'il y a des plaisanteurs. Le son, j'en ai mort, j'en ai bien dans la plaie. Quand je pense à mes morts, même le cul devant la plaie. Une arme est dans mon couplet en mode représenteur. Une arme est prête à couper s'il y a des plaisanteurs. Le son, j'en ai mort, j'en ai bien dans la plaie. Quand je pense à mes morts, même le cul devant la plaie. Une arme est dans mon couplet en mode représenteur. Une arme est prête à couper s'il y a des plaisanteurs. Il est parti trop vite. Trop vite pour sa famille, pour ses proches, bien sûr,